Arthur Rimbaud, mes petites amoureuses. Un hydrolat lacrymal lave les cieux vert chaud sous l'arbre tendronnier qui bave vos caoutchoucs. Blanc de lune particulière, au piala rond, entrechoquez vos genouillères, mêlèderont. Nous nous aimions à cette époque, bleu laideron. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras poète, blond laideron. Descends ici, que je te fouette en mon giron. Se déboîte, ô mes amours, une étoile à vos reins qui boite, tournez vos tours, et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé, je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé, en fade amas d'étoiles ratées, comblez les coins, vous crèverez en Dieu, battez d'ignobles soins. Sous les lunes particulières, au pied à la ronde, entrechoquez vos genouillères, mes laideront. Noir laideron. roulait de rond.